Cinquième journée, chapitre 2. Il était 8 heures. Marie ne tenait plus d'impatience dans la chambre, retournant sans cesse à la fenêtre, comme si, d'une haleine, elle allait boire tout le libre espace, tout le vaste ciel. Ah, courir par les rues, par les places, aller partout, ailleurs encore, aussi loin que son désir l'amènerait. Et montrer aussi combien elle était forte, avoir cette vanité de faire des lieux devant le monde, maintenant que la Sainte Vierge l'avait guérie. C'était une poussée, un envolement de son être entier, de son sang, de son cœur, irrésistible. Mais, au moment du départ, elle décida que sa première visite, avec son père, devait être pour la grotte, où tous deux avaient à remercier Notre-Dame de Lourdes. Ensuite, on serait libre, on aurait 2 grandes heures devant soi, on se promènerait où l'on voudrait, avant qu'elle rentrât déjeuner et faire son petit paquet à l'hôpital. « Voyons, y sommes-nous ? » répéta M. de Guersin. « Partons-nous ! » Pierre prenait son chapeau. Tous les trois descendirent, parlant très haut, riant dans l'escalier, d'une gaieté d'écoliers qui entrent en vacances. Et ils gagnaient déjà la rue, lorsque, sous le porche, Madame Majesté se précipita. Elle devait guetter leur sortie. « Ah, mademoiselle ! Ah, messieurs ! Permettez que je vous félicite ! Nous avons su la grâce extraordinaire qui vous a été faite. Nous sommes si heureux, si flattés, lorsque la Sainte Vierge veut bien distinguer quelqu'un de notre clientèle. » Son visage sec et dur se fondait d'amabilité. Elle regardait la miraculée avec des yeux de caresse. Puis, elle appela vivement son mari qui passait. « Regarde donc, mon ami, c'est mademoiselle, c'est mademoiselle !» Le visage glabre de Majesté, bouffi de graisse jaune, prit une expression de joie et de reconnaissance. « En vérité, mademoiselle, je ne puis pas vous dire combien nous sommes honorés. Nous n'oublierons jamais que monsieur votre père est descendu chez nous. Cela fait déjà bien des envieux. » Et Madame Majesté, pendant ce temps, arrêtait les autres voyageurs qui sortaient, appelait du geste les familles déjà installées dans la salle à manger, aurait fait entrer la rue, si on lui en eût laissé le loisir, pour montrer qu'elle avait là, chez elle, le miracle dont Lourdes tout entier s'émerveillait depuis la veille. Du monde finissait par s'amasser, un attroupement se faisait peu à peu, pendant qu'elle chuchotait à l'oreille de chacun. « Regardez, c'est elle, la jeune personne, vous savez, la jeune personne !» Tout d'un coup, elle s'écria. « Je vais chercher Apolline au magasin. Il faut qu'Apolline voie mademoiselle !» Mais alors, d'un air digne, Majesté la retint. « Non, laisse Apolline, elle a déjà 3 dames à servir. Mademoiselle et ses messieurs ne quitteront certainement pas Lourdes sans faire quelques achats. Les petits souvenirs qu'on emporte sont si agréables à regarder plus tard. Et nos clients veulent bien ne jamais rien acheter autre part que chez nous, dans le magasin que nous avons joint à l'hôtel. J'ai déjà fait mes offres de service, appuya Madame Majesté. Je les renouvelle. Apolline sera si heureuse de montrer à mademoiselle ce que nous avons de plus joli, et dans des conditions de bon marché vraiment incroyables. Oh, des choses ravissantes, ravissantes !» Marie commençait à s'impatienter d'être ainsi retenue, et Pierre souffrait de la curiosité éveillée, grandissante autour d'eux. Quant à Monsieur de Guersin, il jouissait délicieusement de cette popularité, de ce triomphe de sa fille, il promit de revenir. « Certainement, nous achèterons quelques petits bibelots, des souvenirs pour nous, des cadeaux à faire, mais plus tard, quand nous rentrerons ?» Enfin, ils s'échappèrent, ils descendirent l'avenue de la grotte. Le temps était de nouveau superbe, après les orages des 2 nuits précédentes. Rafraîchi, l'air matinal sentait bon, sous la gaieté épandue du clair soleil. Une foule se hâtait déjà sur les trottoirs, affairée, contente de vivre. Et quel ravissement pour Marie, à qui tout semblait nouveau, charmant, inappréciable. Le matin, elle avait dû accepter que Raymond lui prêtât une paire de bottines, car elle s'était bien gardée d'en mettre une dans sa valise, par superstition, craignant de se porter malheur. Les bottines lui allaient à ravir. Elle écoutait avec une joie d'enfant les petits talons taper gaillardement sur les dalles. Elle ne se souvenait pas d'avoir vu des maisons si blanches, des arbres si verts, des passants si joyeux. Tous les sens, chez elle, semblaient en fête, d'une délicatesse merveilleuse. Elle entendait des musiques, sentait des parfums lointains, elle goûtait l'air avec gourmandise, ainsi qu'un fruit suave. Mais surtout, ce qu'elle trouvait de très gentil, de délicieux, c'était de se promener de la sorte au bras de son père. Jamais encore cela ne lui était arrivé. Elle en faisait le rêve depuis des années, comme d'un de ces grands bonheurs impossibles dont on occupe sa souffrance. Le rêve se réalisait, son cœur battait d'allégresse. Elle se serrait contre son père, elle s'efforçait de marcher bien droite, bien belle, pour lui faire honneur. Et lui était très fier, heureux autant qu'elle, la montrant, l'affichant, débordant de la joie de la sentir à lui, son sang, sa chair, sa fille, désormais rayonnante de jeunesse et de santé. Comme tous trois traversaient le plateau de la Merlasse, déjà barré par la bande des marchands de cierges et de bouquets, lancés à la poursuite des pèlerins, monsieur de Guersin s'écria « Nous n'allons bien sûr pas arriver à la grotte les mains vides !» Pierre, qui marchait de l'autre côté de Marie, gagné par la gaieté rieuse où il la voyait, s'arrêta. Tout de suite, ils furent entourés, envahis par une nuée de marchandes dont les mains rapaces leur poussaient la marchandise jusque dans la figure. « Ma belle demoiselle, mes bons messieurs, achetez-moi, à moi, à moi !» Et il fallut se débattre, se dégager. Monsieur de Guersin finit par acheter le plus gros bouquet, un bouquet de marguerites blanches, paumées et dures comme un chou, à une très belle fille, grasse et blonde, 20 ans ou plus, si peu vêtue dans son effronterie qu'on sentait la rondeur libre de sa gorge sous sa camisole à demi dégrafée. Le bouquet n'était d'ailleurs que de 20 sous. Il se fâcha pour le payer sur sa petite bourse, un peu interloqué des manières de la grande fille, pensant tout bas qu'elle faisait sûrement un autre commerce, celle-là, quand la Sainte Vierge chômait. Alors, Pierre paya de son côté les 3 cierges que Marie avait pris à une vieille femme, des cierges de 2 francs, fort raisonnables, ainsi qu'elle disait. La vieille femme, une figure anguleuse, au nez de proie, aux yeux de lucre, se répandait en remerciements mielleux. « Que Notre-Dame de Lourdes vous bénisse, ma belle demoiselle, qu'elle vous guérisse de vos maladies, vous et les vôtres !» Et cela les égaya de nouveau. Ils repartirent en riant tous les 3, amusés comme des enfants, par l'idée que c'était une chose faite, ce vœu de la brave femme. À la grotte, Marie voulut défiler immédiatement, pour donner elle-même le bouquet et les cierges, avant même de s'agenouiller. Il n'y avait pas encore grand monde. Ils se mirent à la queue, passèrent au bout de 3 ou 4 minutes. Et de quels regards extasiés elle examina tout, l'autel d'argent gravé, l'orgue harmonium, les ex-voto, les aires ruisselantes de cire, flambantes dans le plein jour. Cette grotte, qu'elle n'avait encore vue que de loin, de son chariot de misère, elle y entrait, elle y respirait, comme au paradis même, baignée dans une tiédeur et une bonne odeur, dont elle étouffait un peu, divinement. Quand elle eut déposé les cierges au fond du grand panier, et qu'elle se fut grandie pour accrocher le bouquet à une lance de la grille, elle baisa longuement le roc, en dessous de la Sainte Vierge, à cette place que des millions de lèvres déjà avaient polie. Et ce fut, donné à cette pierre, un baiser d'amour où elle mit la flamme de la reconnaissance, un baiser où son cœur se fondait. Dehors, ensuite, Marie se prosterna, s'anéantit dans un acte de remerciement sans fin. Son père s'était également agenouillé près d'elle, mêlant à la sienne la ferveur de sa gratitude. Mais il ne pouvait faire longtemps la même chose. Il devint peu à peu inquiet, finit par se pencher à l'oreille de sa fille pour lui dire qu'il avait une course dont il ne s'était plus souvenu tout à l'heure. Sûrement, le mieux était qu'elle restât là, en prière, à l'attendre. Pendant qu'elle achèverait ses dévotions, lui se dépêcherait, s'acquitterait de sa corvée, et l'on se promènerait après, à l'aise, où elle voudrait. Elle ne le comprenait, ne l'entendait seulement pas. Elle se contenta de hocher la tête, promettant de ne pas bouger, reprise par une telle foi attendrie que ses yeux se mouillaient de larmes, fixés sur la statue blanche de la Vierge. Quand M. de Guersin eut rejoint Pierre, resté un peu à l'écart, il s'expliqua. « Mon cher, c'est un cas de conscience. J'ai fait à notre cocher de Gavarnie la promesse formelle de voir son patron pour lui dire les vraies causes du retard. Vous savez, le coiffeur de la place du Marcadal. Et puis, il faut que je me fasse raser, moi. » Pierre, inquiet, dut céder devant le serment qu'on serait de retour dans un quart d'heure. Seulement, comme la course lui semblait longue, il s'entêta de son côté à prendre une voiture qui stationnait au bas du plateau de la Merlasse. C'était une sorte de cabriolet verdâtre dont le cocher, un gros garçon d'une trentaine d'années, coiffé d'un béret, fumait une cigarette. Assis de biais sur le siège, les genoux écartés, il conduisait avec un sans-façon tranquille d'homme bien nourri, maître de la rue. « Nous vous gardons, » dit Pierre en descendant, lorsqu'ils furent arrivés place du Marcadal. « Bien, bien, monsieur l'abbé, je vous attends. » Et laissant son maigre cheval au grand soleil, il alla rire avec une forte servante, échevelée, dépoitraillée, qu'il avait un chien dans le bassin de la fontaine voisine. Gazaban était justement sur le seuil de sa boutique, dont les hautes glaces et la claire couleur verte égayaient la place morne, déserte en semaine. Quand la besogne ne pressait pas, il aimait à triompher ainsi entre ses deux vitrines, que des pots de pommade et des flacons de parfumerie décoraient de nuances vives. Tout de suite, il reconnut ces messieurs. « Très flatté, très honoré, veuillez entrer, je vous prie. » Puis, dès les premiers mots que M. de Guersin voulut lui dire, pour excuser l'homme qu'il avait conduit à Gavarnie, il se montra bienveillant. Sans doute ce n'était pas sa faute à cet homme, il n'avait pas le pouvoir d'empêcher les roues de se rompre, ni les orages de tomber. Du moment que les voyageurs ne se plaignaient pas, tout allait pour le mieux. « Oh !» s'écria M. de Guersin. « Un pays admirable, inoubliable !»« Eh bien, monsieur, puisque notre pays vous plaît, vous reviendrez nous voir, et nous n'en demandons pas davantage !» Ensuite, il s'empressa, lorsque l'architecte s'assit sur un des fauteuils, demandant à être rasé. Son garçon était encore absent, en course pour les pèlerins qu'il hébergeait, toute une famille qui emportait une caisse de chapelet, de sainte vierge de plâtre, de gravures sous verre. On entendait venir du premier étage des piétinements éperdus, des voix violentes, une bousculade de gens que l'approche du départ affolait, au milieu d'un écroulement d'achats à emballer. Dans la salle à manger voisine, dont la porte était restée ouverte, deux enfants égouttaient les tasses de chocolat, traînant parmi la débandade du couvert. Et c'était la maison entière, louée, livrée, les dernières heures de cette invasion de l'étranger, qui forçait le coiffeur et sa femme à se réfugier dans le sous-sol, une cave étroite où ils couchaient sur un lit de sangle. Tandis que Casaban lui frottait les joues de mousse savonneuse, M. de Guersin le questionna. « Eh bien, êtes-vous content de la saison ?»« Certainement, monsieur, je n'ai pas à me plaindre. « Vous entendez, mes voyageurs partent aujourd'hui, mais j'en attends d'autres demain matin, à peine le temps de donner un coup de balai. Ce sera de même jusqu'en octobre. » Puis, comme Pierre demeurait debout, allant et venant par la boutique, regardant les murs d'un air d'impatience, il se tourna poliment. Asseyez-vous donc, monsieur l'abbé, prenez un journal, ça ne sera pas long. » D'un geste, le prêtre ayant remercié en refusant de s'asseoir, le coiffeur reprit dans sa continuelle démangeaison de parler. « Oh, moi, ça marche toujours. Ma maison est connue pour la propreté des lits et pour la bonté de la cuisine. Seulement, la ville n'est pas contente. Ah non, je puis même dire que je n'y ai jamais vu un pareil mécontentement. » Il se tut une minute, rasa la joue gauche, et, s'interrompant de nouveau, il déclara soudain, dans un cri que la vérité lui arrachait. « Monsieur, les pères de la grotte jouent avec le feu. Voilà tout ce que j'ai à dire. » Dès lors, la bonde était lâchée. Il parla, il parla, il parla encore. Ses gros yeux roulaient dans sa face longue, aux pommettes saillantes, au teint hâlé, éclaboussé de rouge. Pendant que tout son petit corps nerveux tressautait, secoué par son exubérance de paroles et de gestes. Il revenait à son acte d'accusation. Il disait les griefs sans nombre que l'ancienne ville avait contre les pairs. Les hôteliers s'y plaignaient, les marchands d'objets religieux n'y faisaient pas la moitié des recettes qu'ils auraient dû réaliser. Enfin, la ville nouvelle accaparait les pèlerins et l'argent. Il n'y avait plus du gain possible que pour les maisons garnies, les hôtels, les magasins ouverts dans les environs de la grotte. C'était la lutte sans merci, l'hostilité meurtrière grandissant de jour en jour, la vieille cité perdant un peu de sa vie à chaque saison, destinée sûrement à disparaître, à être étouffée, assassinée par la cité jeune. Ah, leur sale grotte! Il se serait plutôt fait couper les pieds que de les y mettre. N'était-ce pas écœurant, la boutique de bibelots qu'ils avaient collée à côté? Une vraie honte, dont un évêque s'était montré si indigné qu'il en avait, disait-on, écrit au pape. Lui, qui se flattait d'être un libre penseur et un républicain de l'avant-veille, qui déjà sous l'Empire votait pour les candidats de l'opposition, avait bien le droit de déclarer qu'il n'y croyait pas à leur sale grotte, et qu'ils s'en fichaient. Tenez, monsieur, je vais vous raconter un fait. Mon frère est du conseil municipal, c'est par lui que je sais la chose. Il faut vous dire d'abord que nous avons maintenant un conseil municipal républicain qui s'afflige beaucoup de la démoralisation de la ville. Le soir, on ne peut plus sortir sans rencontrer des filles dans les rues. Vous savez, ces marchandes de cierges. Elles se perdent avec les cochers que la saison nous amène, une population louche et flottante venue on ne sait d'où. Et il faut aussi que je vous explique la situation des pères vis-à-vis de la ville. Quand ils lui ont acheté les terrains de la grotte, ils ont signé un acte par lequel ils s'y interdisaient formellement tout commerce. Or, ils y ont ouvert une boutique au mépris de leur signature. N'est-ce pas là une concurrence déloyale, indigne de gens honnêtes? Aussi, le nouveau conseil s'est-il décidé à leur envoyer une délégation pour exiger d'eux le respect du traité, en leur enjoignant d'avoir à fermer leur boutique immédiatement. Savez-vous, monsieur, ce qu'ils ont répondu? Oh, ce qu'ils ont répondu 20 fois, ce qu'ils répondent toujours quand on leur rappelle leurs engagements. C'est bien, nous consentons à les tenir, mais nous sommes les maîtres chez nous et nous fermons la grotte. » Il s'était soulevé, son rasoir en l'air, et il répéta en scandant les mots, les yeux arrondis par cette énormité, « Nous fermons la grotte. » Pierre, qui continuait sa promenade lente, s'arrêta brusquement, lui dit dans la face, « Eh bien, le conseil municipal n'avait qu'à répondre, « Fermez-la !» Du coup, Casaban faillit suffoquer, le sang au visage, hors de lui, il bégayait. « Fermez la grotte! Fermez la grotte !»« Mais certainement, puisqu'elle vous irrite et vous écœure, cette grotte, puisqu'elle est une cause continuelle de guerre, d'injustice, de corruption, ce serait fini, on n'en entendrait plus parler. En vérité, il y aurait là une solution excellente si l'on avait quelque pouvoir. » On vous rendrait service en forçant les pères à exécuter leurs menaces. » À mesure que Pierre parlait, Casaban perdait de sa colère. Il devint très calme, un peu pâle, et au fond de ses gros yeux, le prêtre voyait grandir une inquiétude. N'était-il pas allé trop loin dans sa passion contre les pères? Beaucoup d'ecclésiastiques ne les aimaient pas. Peut-être ce jeune prêtre ne se trouvait-il à Lourdes que pour mener une campagne contre eux. Alors, qui pouvait savoir? C'était la fermeture possible de la grotte, plus tard. On ne vivait que d'elle. Si la vieille ville criait, par rage de ne ramasser que les miettes, elle était heureuse encore de cette aubaine. Et les libres penseurs eux-mêmes, qui battaient monnaie avec les pèlerins, comme tout le monde, se taisaient, mal à l'aise, effrayés, dès qu'on était trop de leur avis sur les côtés fâcheux du nouveau Lourdes. Il fallait être prudent. Gazaban revint à M. de Guersin. Il se mit à raser l'autre joue, en murmurant d'un air fâché. « Oh, moi, ce que j'en dis de leur grotte, ce n'est pas qu'elle me gêne, au fond. Et puis, il faut bien que tout le monde vive. » Dans la salle à manger, les enfants venaient de casser un des bols au milieu de cris assourdissants. Et Pierre remarquait de nouveau les gravures de sainteté, la Sainte Vierge de plâtre, dont le coiffeur avait décoré la pièce pour être agréable à ses locataires. Une voix cria du premier étage que la malle était fermée et que le garçon serait bien gentil de la ficeler quand il rentrerait. Mais Casaban, devant ces deux messieurs, qu'il ne connaissait point en somme, restait méfiant, gêné, la cervelle hantée d'hypothèses inquiétantes. Cela le désespérait de les laisser partir ainsi, sans savoir rien d'eux, après s'être compromis lui-même. Si encore il avait pu rattraper ses paroles trop vives contre les pères. Aussi, lorsque M. de Guersin se leva pour se laver le menton, céda-t-il à son besoin de renouer l'entretien. « Avez-vous entendu parler du miracle d'hier ? La ville en est bouleversée, plus de 20 personnes me l'ont raconté déjà. Oui, il paraît qu'ils ont obtenu un miracle extraordinaire. Une jeune demoiselle paralytique qui s'est levée et qui a traîné son chariot jusque dans le cœur de la basilique. » Monsieur de Guersin, en train de se rasseoir après s'être essuyé, eut un rire complaisant. « Cette jeune demoiselle est ma fille. » Alors, sous ce brusque coup de lumière heureuse, Casaban rayonna. Rassuré, il acheva de donner un coup de peigne magistral au milieu de l'exubérance de gestes et de paroles qui lui revenaient. « Ah, monsieur, je vous félicite, je suis flatté de vous avoir eu entre les mains. Du moment que mademoiselle votre fille est guérie, n'est-ce pas, cela suffit à votre cœur de père. » Et il trouva aussi pour Pierre un mot aimable. Puis, lorsqu'il se décida à les laisser partir, il regarda le prêtre d'un air pénétré. Il dit en homme de bon sens, désireux de conclure sur les miracles, « Il y en a, monsieur l'abbé, d'heureux pour tout le monde. De temps à autre, il nous en faut un de cette qualité. » Dehors, monsieur de Guersin dut aller chercher le cocher, qui continuait à rire avec la servante, dont le chien trempé d'eau se secouait au soleil. En 5 minutes, d'ailleurs, la voiture les ramena en bas du plateau de la Merlasse. La course leur avait pris une grande demi-heure. Et Pierre voulut garder la voiture, dans l'idée de montrer la ville à Marie sans la fatiguer trop. Pendant que le père courait à la grotte pour y reprendre sa fille, il attendit là, sous les arbres. Tout de suite, le cocher lit à conversation avec le prêtre. Il avait allumé une autre cigarette. Il se montrait très familier. Lui était d'un village des environs de Toulouse. Et il ne se plaignait pas. Il gagnait de grasses journées à Lourdes. On y mangeait bien, on s'y amusait. C'était ce qu'on pouvait appeler un bon pays. Il disait ces choses avec un abandon d'homme que ses scrupules religieux ne gênaient pas, sans oublier pourtant le respect qu'il devait à un ecclésiastique. Enfin, du haut de son siège, à demi couché, l'une de ses jambes pendantes, il laissa lentement tomber cette parole. « Ah oui, monsieur l'abbé, Lourdes a bien pris. Mais le tout est de savoir si ça continuera longtemps. » Pierre, très frappé du mot, en sondait l'involontaire profondeur lorsque M. de Guersin reparut, ramenant Marie. Il l'avait trouvée agenouillée à la même place, dans le même acte de foi et de remerciement, au pied de la Sainte Vierge. Et il semblait qu'elle eût emporté dans ses yeux tout le flamboiement de la grotte, tellement il luisait de la divine joie de sa guérison. Jamais elle ne consentit à garder la voiture. Non, non, elle préférait marcher. Peu lui importait de voir la ville. Pourvu que pendant une heure encore, elle marchât au bras de son père, par les jardins, par les rues, par les places, où l'on voudrait. Et quand Pierre eut payé le cocher, ce fut elle qui s'engagea dans une allée du jardin de l'Esplanade, ravie de se promener ainsi à petits pas, le long des gazons fleuris de corbeilles sous les grands arbres. Cela était si doux, si frais, toutes ces herbes, toutes ces feuilles, ces allées ombreuses, solitaires, d'où l'on entendait l'éternel ruissellement du Gave. Puis, elle désira retourner dans les rues, parmi la foule, pour y retrouver l'agitation, le bruit, la vie dont le besoin débordait de son être. Rue Saint-Joseph, en apercevant le panorama où l'on voyait l'ancienne grotte avec Bernadette agenouillée, le jour du miracle du cierge, Pierre eut l'idée d'entrer. Marie en fut heureuse, comme une enfant, et M. de Guersin lui-même témoigna la plus innocente joie, surtout lorsqu'il remarqua que, parmi la fournée des pèlerins qui s'engouffraient avec eux au fond du couloir obscur, plusieurs venaient de reconnaître, en sa fille, la jeune miraculée de la veille, déjà glorieuse, dont le nom volait de bouche en bouche. En haut, sur l'estrade ronde, quand on déboucha dans la lumière diffuse que tamisait un vélume, il y eut une sorte d'ovation autour de Marie, des chuchotements tendres, des regards béats, un ravissement d'extase à la voir, à la suivre, à la toucher. Maintenant, c'était la gloire. Elle serait aimée ainsi, partout où elle irait. Et il fallut, pour qu'on l'oubliât un peu, que l'employé chargé des explications se mit à la tête de la petite troupe des visiteurs, faisant le tour, racontant l'épisode que représentait l'immense toile circulaire de 126 mètres de longueur. Il s'agissait de la 17e apparition de la Sainte Vierge à Bernadette, le jour où, agenouillée devant la grotte, elle avait par mégarde, pendant la vision, laissé la main sur la flamme de son cierge, sans la brûler, et tout l'ancien paysage de la grotte primitive se trouvait rétabli. Toute la scène était reconstituée, avec les personnages historiques, le médecin en train de constater le miracle, sa montre à la main, le maire, le commissaire de police, le procureur impérial, dont l'employé disait les noms, au milieu de l'ébahissement du public qui le suivait. Alors, par une inconsciente liaison d'idées, Pierre se rappela le mot que le cocher venait de lui dire. Lourde a bien pris, mais le tout est de savoir si ça durera longtemps. En effet, là était la question. Que de sanctuaires vénérés avaient ainsi été bâtis déjà, à la voix d'enfants innocentes, élus entre toutes, auxquelles la Sainte Vierge s'était montrée. Toujours la même histoire recommençait. Une apparition, une bergère qu'on persécutait, qu'on traitait de menteuse, puis une sourde poussée de la misère humaine affamée d'illusions, et alors la propagande, le triomphe du sanctuaire rayonnant comme un phare, et ensuite le déclin, l'oubli, quand un autre sanctuaire naissait ailleurs du rêve extasié d'une autre voyante. Il semblait que le pouvoir de l'illusion s'usait, qu'il fallait, au travers des siècles, la déplacer, la remettre dans de nouveaux décors, dans une nouvelle aventure, pour en renouveler la puissance. La Salette avait détrôné des antiques vierges de bois ou de pierre qui guérissaient. Lourdes venait de détrôner la Salette, en attendant d'être détrônée elle-même par la Notre-Dame de demain, celle dont le doux visage consolateur se montrera à une pure enfant encore à naître. Seulement, si Lourdes avait eu une fortune si rapide, si prodigieuse, il la devait sûrement à la petite âme sincère, au charme délicieux de Bernadette. Ici, aucune supercherie, aucun mensonge, la seule floraison de la souffrance, une chétive fillette malade qui apportait au peuple des souffrants son rêve de justice, d'égalité dans le miracle. Elle n'était que l'éternel espoir, l'éternelle consolation. En outre, toutes les circonstances historiques et sociales paraissaient s'être rencontrées pour exaspérer le besoin de cette envolée mystique, à la fin d'un terrible siècle d'enquêtes positives. Et c'était pourquoi, Lourdes sans doute, durerait longtemps encore dans son triomphe, avant de n'être plus qu'une légende, une de ces religions mortes, au puissant parfum évaporé.